commencer tout de suite. Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. On commence le cours 106 de Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim. Et on a pas beaucoup de temps avant la prière de Maghreb. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer le dars. Puis après le Maghreb, on va continuer un petit peu avant de faire tafsir al-Baqara. On va prendre quelques minutes après le Maghreb pour faire tafsir al-Baqara aussi. Naam. Donc on est arrivé donc aujourd'hui au cours 106, comme on a dit, dans le livre. Et on est toujours en train d'expliquer maintenant les paroles des ulama au sujet de l'interdiction d'imiter les kuffars et de suivre les kuffars et les mushrikin. Et le cheikh, il a commencé donc à mentionner maintenant les paroles des imams du madhhab al-Hanafi, al-Hanafiyya. Et donc il cite, après avoir cité les paroles des salaf, hein, des sahaba et des tabi'in, maintenant il parle des paroles des ulama, des quatre imams. قالوا ولا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق لأنهما لا يعبدان وباعتباره تثبت الكراهة إلى غيرهما ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير لأن فيه استهانة بالصورة ولا يسجد على الصورة لأنه يشبه عبادة الصور وأطلق الكراهة وأطلق الكراهة في الأصل لأن المصلي معظم لله وقالوا لو لبس ثوبا فيه تصاوير كره لأنه يشبه حامل الصنم ولا يكره تماثيل غير ذي روح لأنه لا يعبد وقالوا أيضا إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان كره لأنه تشبه بأهل الكتاب لأنهم زادوا في مدة صومهم وقالوا فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفة لأن فيه إظهار مخالفة المشركين وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والدهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء للنصوص ولأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المترفين المسرفين وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به لأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام وقال عمر رضي الله عنه إياكم وزي العاجم وقال محمد في الجامع الصغير ولا يتختم إلا بالفضة ولا يتختم إلا بالفضة قالوا وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام للحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام فرأى على آخر خاتم على آخر خاتم حديد فقال ما لي أرى عليك حيلة أهل النار ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه. Donc le cheikh il dit, ils ont dit y a pas de mal de faire la salat devant un mushaf qui est accroché ou bien une épée qui est accrochée, il dit parce que les deux ne sont pas adorés. Ça, c'est les paroles des ulama de fiqh, dans les livres de fiqh Hanafi. Et Cheikh al-Islam, il cite ces paroles-là pour établir le fait que, même parmi les ulama des Hanafiyas, ils ont également rapporté les points qui indique que c'est pas permis d'imiter les kuffars. Il dit ensuite qu'il considère que ça établit l'interdit, le fait qu'il est détestable ou interdit de se prosterner devant autre chose que le mushaf ou un épée par exemple. Il dit il n'y a pas de mal non plus de prier sur un tapis sur lequel il y a des images, parce que le fait de marcher sur ce tapis là c'est quelque chose qui humilie, hein, et montre qu'on ne donne pas d'importance au tapis en question. Donc si sur un tapis par exemple il y a des images, c'est pas grave, hein, des photos, des dessins comme par exemple un animal ou un être humain sur un tapis, ça c'est pas grave puisque c'est quelque chose sur lequel on marche, et ça montre qu'on on le dénigre, on n'a pas on le respecte pas, hein. Sauf que il dit par contre on ne doit pas se prosterner sur la photo ou sur l'image, parce que cela ressemble à l'adoration des images. Et ils ont mentionné que cela est interdit à la base parce que la personne qui fait la salat, elle est supposée de respecter et montrer le respect envers Allah. Donc elle ne doit pas se prosterner sur les photos ou sur les images. Il dit « وَقَالُوا وَلَوْ لَبِسَ ثَوْبًا » Donc s'il porte des vêtements sur lesquels il y a des images, ça c'est détestable. Et ça ressemble à la personne qui porte une idole. Hein? Donc les gens qui portent des vêtements sur lesquels il y a des dessins, ça c'est interdit. Et il dit qu'il n'est pas détestable de faire des statues de choses qui n'ont pas d'âme. Des statues, des choses qui n'ont pas d'âme. Comme c'est pas des animaux, c'est pas des êtres humains. Parce que ces choses-là ne sont pas adorées, il dit. Et également, si quelqu'un jeûne le jour du doute, en ayant comme l'intention que cela fait partie du ramadan, alors dans ce cas-là, c'est interdit. Parce que c'est une imitation des gens du livre. Parce que les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ont augmenté ou rajouté, hein, dans la durée de leur jeûne. Donc quand tu jeûnes le jeûne du doute, tu imites, hein, les gens du livre en faisant ça. Les gens du livre. Le jour du doute? Non, le jour du doute. Ouais, le jour du doute, c'est le jour qu'on n'est pas sûr de est-ce que ça va être demain le ramadan ou après-demain. Quand on attend quand on regarde la lune, tu vois, Laylat al-Shak, la nuit du doute. On peut dire le jour du doute aussi. Et ils ont dit que si le soleil s'est couché et que l'imam a déferlé avec les gens vers Muzdalifa, hein, comme ils sont, ils font ça pour montrer la distinction et le fait de se distinguer des mouchriquins. Parce que les mouchriquins, eux, ils ne déferlaient pas de Muzdalifa après le Maghreb. Hein. Déferler, c'est-à-dire quitter Arafat puis partir tous ensemble pour aller jusqu'à Muzdalifa. Eh bien, il y avait une différence avec les mouchriquins dans ça, on en a déjà parlé aussi une fois à Muzdalifa. Donc eux, ils partaient seulement après que le soleil soit levé, tandis que dans la sunna, une fois qu'on a prié le fajr, on part de Muzdalifa. Hein? Bon, il dit وَقَالُوا أَيْضًا لَا يَجُوزُ الْأَكْلِ. Ils ont dit également qu'il n'est pas permis de manger, de boire et de mettre de l'huile, hein, ou des parfums dans des contenants en or ou en argent pour les hommes et pour les femmes. Et ça c'est mentionné textuellement dans les hadiths. Pourquoi? Parce que ça fait partie des habitudes des mushrikines et des gens de l'extravagance. Hein? Des gens de l'extravagance. Et de même que ils ont mentionné la cause de l'interdiction de porter des vêtements de soie, hein, en disant que ça fait partie des vêtements que portaient les rois perses, hein, de même que les tyrans. et c'est interdit de leur ressembler ou de les imiter. Donc tu vois, même les ulama al-Hanafiya, comme Abu Yusuf et Muhammad, hein, les deux élèves de Abu Hanifa, ils ont mentionné les raisons de l'interdiction de ces choses-là par rapport au fait que ça fait partie de l'imitation des mouchriquins. Et Omar, radiallahu anhu, il disait, prenez garde au mode des mouchriquins. Et ça, c'est rapporté par, également, il dit que Muhammad, c'est-à-dire l'élève de Abu Hanifa, il a rapporté dans Al-Jami' al-Sahir l'interdiction également de porter des bagues, une bague qui n'est pas en argent pour les hommes. Ce n'est pas permis de porter une bague en autre chose que de l'argent pour les hommes. Et ils ont dit qu'il y a un texte à ce sujet-là du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam on ne doit pas porter une bague en autre chose que si en une matière ou un matériau autre que de l'argent. Donc ça ne doit pas être ni une bague en pierre, ni une bague en fer, ni en cuivre, parce que ça c'est haram. Et dans le hadith authentique, il dit qu'il était rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme avec une bague en cuivre et il a dit: je sens de toi l'odeur des idoles. Et dans une autre narration, il a vu un homme avec une bague en fer. Il lui a dit: pourquoi je vois sur toi les parures des gens de l'enfer? Donc ça, c'est la preuve que ces matériaux-là ne sont pas permis. On n'a pas le droit de prendre des bagues faites avec ces matériaux-là. Toutefois, avec de l'argent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a permis. Il dit: ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه. Il dit: ce genre de paroles sont nombreuses dans le madhhab de Abu Hanifa, hein, l'école de fiqh de Abu Hanifa et de ses compagnons. Donc ce genre d'explication là, de paroles là, on les retrouve très nombreuses dans le madhhab de Abu Hanifa. Donc il commence par le madhhab de Abu Hanifa, après il va parler des paroles de l'imam Malik et de ses compagnons dans le madhhab al-Maliki. Puis il va mentionner par la suite les paroles des compagnons de l'imam al-Shafi'i. Hein, puis ensuite, ceux de l'imam Ahmad. Il va parler donc des quatre madahib et des paroles qui ont été rapportées dans ces livres-là chez les fuqaha, qui montrent que ils ont toujours considéré que de porter ou d'imiter les kuffars, que ça c'est interdit dans l'islam. Naam. On va s'arrêter ici pour faire le adhan, puis inshallah, si vous voulez, on continuera l'explication de qu'est-ce qu'on vient de lire, les commentaires de Cheikh Al-Fawzan sur ce passage-là. Donc Cheikh Al-Fawzan, il dit: wa qawluhu wa qalu ay Abu Hanifa al-Hanafiyya qalu la ba'sa an yusalli bayna yaday mushaf mu'allaq, la ba'sa an yusalli wa amamahu mushaf aw sayf mu'allaq bil judran aw bil 'umud li anna hadha ma'rifa annahu yu'bad فليس فيه تشبه. فالمشركون ما كانوا يعبدون المصاحف أو الكتب فليس في استقبال هذه الأشياء تشبه بهم. Donc le cheikh dit que les Hanafiya, ils ont dit qu'il n'y a pas de mal à prier devant un mushaf accroché ou un épée accroché, soit accroché sur le mur ou sur un pilier. Il n'y a pas de mal à ça, de prier devant, puisqu'on n'a pas su que les mushrikoun adoraient ces choses-là. Donc il n'y a pas de ressemblance aux mushrikines dans le fait de faire ça, puisque les mushrikoun n'adoraient pas les livres ou les masahif, hein, et donc il n'y a pas de ressemblance aux mushrikines en se plaçant devant ces choses-là. Il dit: wa qawluhu wa bi'tibarihi tathbut al-karaha, yani لو جرت العادة أن السيف يعبد فحينها تثبت الكراهة منعا للتشبه بمن يعبده. أو يعبده. فإن كان المسلم لا يقصد عبادة السيف أو التبرك بالسيف، وإن كان المسلم لا يقصد عبادة السيف أو التبرك بالسيف، كسكيلدي وباعتباره تثبت، يعني وباعتباره تثبت الكراهة إلى غيرهما. Donc le cheikh il dit, si par exemple, par contre, ça devenait une habitude que certaines personnes commencent à adorer des épées, par exemple, alors dans ce cas-là, on pourrait établir que c'est interdit de prier devant une épée, si jamais ça, c'était le cas, pour interdire la ressemblance avec ceux qui l'adorent. Même si on sait très bien que le musulman qui prie devant une épée, son intention, c'est pas d'adorer l'épée lui-même ou de chercher la bénédiction de cette épée. Mais pour éviter la ressemblance, on l'interdirait quand même. Le cheikh il dit ولا باس أن يصلي على بساط فيه تصاوير أي قال الحنفية ذلك لما فيه من امتهان الصور بخلاف ما إذا سجد عليها فإنه يكره لما فيه من التشبه بمن يعبدها. Donc il dit il y a pas de mal de marcher. Hein? Il dit, il n'y a pas de mal de prier sur une photo ou sur une image. Si par exemple un tapis a un dessin dessus, il n'y a pas de mal de prier dessus. Hein? Tu mets tes pieds sur l'image, ça c'est pas grave. Le mal, par contre, c'est dans le fait de se prosterner sur l'image. Il dit de se prosterner sur l'image, ça c'est pas bien parce que quand tu fais ça, ça ressemble à ceux qui adorent l'image. Toutefois, de marcher sur l'image, de se tenir debout sur l'image, de prier dessus, ça c'est pas interdit parce que il dit il y a une humiliation de la photo en le fait que tu mets tes pieds dessus, donc c'est comme si tu l'humilies. Et les ulama ils ont dit en général comme ça que si une photo ou une image, un dessin est sur un tapis et que tu marches dessus, dans ce cas-là c'est pas grave. Non. La Kaaba, j'ai lu que ça c'est pas bien qu'il y ait une Kaaba sur le tapis ou des choses comme ça. Comment tu vas marcher, mettre tes pieds sur la Kaaba ou des choses comme ça, c'est pas bien, hein? C'est un manque de respect pour ça. Wallahu a'lam. Je pense qu'il y a des fatwas là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a pas longtemps j'ai même entendu ou j'ai lu une parole à ce sujet-là. Je me rappelle plus exactement les détails là, mais ça me dit quelque chose. Et il dit ensuite wa qawluhu wa atlaqa al-karaha fi al-asl. Hein, wa atlaqa al-karaha fi al-asl, يعني amma al-karaha, sawa salla 'alayha aw sajada 'alayha, لأن المصلي معظم للصورة التي يسجد عليها أو يستقبلها في صلاته فإنه إذا قصد التعظيم كان فعله عبادة، أما إذا لم يقصد ذلك فإنه يكره لأن فيه تشبها بمن يعبد الصور. Donc le cheikh dit certains d'autres ont généralisé l'interdiction de se prosterner ou de prier sur. Hein, ils ont considéré de façon générale que c'est détestable et interdit de prier sur un tapis sur lequel il y a des dessins ou des images. Il dit, peu importe que tu pries dessus ou que tu te prosternes dessus, parce que la personne qui prie, la personne qui fait la salat et qui, il dit, c'est comme si elle donne un respect à cette image sur laquelle elle se prosterne et vers laquelle elle se tourne dans sa salat. Donc, si la personne elle a l'intention de vénérer cette image, donc dans ce cas-là, c'est une adoration, donc ça, c'est du shirk. Toutefois, si ce n'était pas ça son intention, ce n'était pas de le vénérer, mais c'est quand même détestable, c'est quand même interdit de le faire. Parce qu'il y a une ressemblance à celui qui adore les statues en le faisant. Donc même si tu dis moi je me prosterne devant l'image ou sur l'image, mais mon intention c'est pas de l'adorer, sauf que tu ressembles à celui qui l'adore, tu l'imites en faisant ça. Hein? Peut-être qu'un musulman, supposons qu'un musulman, il fait la salat, puis à l'endroit où il fait sa salat, il y a une statue de Jésus devant lui. Puis lui, il dit, moi je prie pas à la statue, je prie à Allah, mais la statue est devant moi. Tu vas dire, oui, mais dans ce cas-là, là, tu ressembles aux chrétiens qui prient devant la statue. Même si ton intention, c'est pas de prier devant la statue, c'est quand même, hein, quelque chose qui donne l'impression que tu es en train de l'adorer. Même si c'est pas ton intention. Donc, dans ce cas-là, tu dois pas le faire. C'est interdit de le faire, même si c'est pas ton intention. D'accord? Donc, des fois, il y a des choses que, yani, même si ton intention, elle est bonne, ça justifie pas de le faire malgré tout. Hein? Ça justifie pas de le faire malgré tout. Pourquoi? Parce que les personnes qui vont te voir faire cet acte-là, ils vont pas savoir ton intention. Ton intention, c'est seulement Allah qui la connaît dans ton cœur. Personne d'autre. Donc, comment tu peux faire quelque chose comme ça puis dire que ça c'est ton intention? Alors que personne n'est capable de vérifier ton intention. Et si quelqu'un te voit de l'extérieur en train de faire ça, il ne pourra pas imaginer autre chose que le fait que tu es en train de l'adorer. Hein? Donc, il y a des fois, les gens comme ça, ils imitent les kuffars, puis ils disent, mon intention, ce n'est pas de les imiter. Ce n'est pas grave, ton intention. Ton intention, c'est entre toi et Allah. Et nous, on ne la voit pas, ton intention. Ton intention, elle est cachée. Le problème, c'est l'action lui-même, la ressemblance, l'imitation. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que c'est interdit, peu importe que ce soit pas ton intention, ou que ce soit ton intention ou non, il y en a, peu importe, c'est interdit. Il dit ensuite, wa qawluhu law labisa thawban fihi tasawir kuriha li'annahu yushbihu hamil as-sanam. Yani yukra libs al-thiyab allati fiha tasawir li'annaha tushbihu allati yalbisu as-salib في عنقه أو في ملابسه فصار تشبها بالنصارى الذين يعبدون الصليب والحاصل أن كل صورة تعبد من دون الله إذا وضعت على الثياب فلا يجوز لبسها حتى ولو كانت لا تعبد عند المسلمين لأن هذا فيه تشبها بأهل الكتاب لشيخ الدين ك Également, donc, il mentionne la parole que les Hanafiyas ont dit, que tu dois pas porter des vêtements sur lesquels il y a des images. C'est détestable et que c'est comparable à, hein, que c'est interdit. Parce que les salafs, ils utilisaient le terme, de al-karaha dans le sens du tahrim. Dans le sens de l'interdiction. Donc ici, quand il dit que c'est interdit de porter un vêtement sur lequel il y a des images, parce que ça ressemble à la personne qui porte une statue. C'est comme si elle portait sur elle une statue, une image de quelque chose qui est adoré. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, il est interdit de porter des vêtements sur lesquels il y a des images, parce que c'est une ressemblance à celui qui porte une croix dans son cou. Hein? Qui porte une croix dans son cou ou sur ses vêtements. Et donc, il est en train d'imiter les chrétiens en faisant ça. Hein? Il est en train d'imiter les chrétiens et d'imiter ceux qui adorent les croix. Donc il dit, on peut résumer en disant que toute personne qui porte une image de quelque chose qui est adoré en dehors d'Allah, si elle est mise sur ses vêtements, il n'est pas permis de le porter, même si la chose en question, elle n'est pas adorée par les musulmans. Même si la chose en question n'est pas adorée par les musulmans. Parce qu'il y a dans le fait de le porter une ressemblance aux gens du livre. D'accord ? Il y a des fois même c'est pas des chrétiens seulement, même des bouddhistes, des hindous, tu vois, il y a des gens qui mettent des chandails avec des idoles des hindous ou des chandails avec des maillots, hein, ou des vêtements avec des dessins de Bouddha, hein. Il y avait même une marque de vêtements, ça s'appelait True Religion, hein. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Une marque de vêtements qui s'appelle True Religion, puis ils ont dessus, ils ont mis une statue d'un Bouddha dessus. Et True Religion, ça veut dire vraie religion. Hein? Donc c'est grave. On sait très bien que ils font pas juste des maillots ou des chandails, ils font aussi même des jeans. Allah al-musta'an. Ils font des vêtements, ça s'appelle True Religion. C'est un Bouddha avec une guitare. Le Bouddha avec la guitare. Et il lève son pouce comme ça. Donc on n'a pas le droit de porter ça, yani. Ça c'est certain, parce que c'est... Déjà elle n'est pas vraie, cette religion. C'est la religion des mouchriquins. Et ils adorent autre que Allah. Donc c'est une religion qui est fausse. Et il y a une image d'un Bouddha dessus qui est une idole, et on n'a pas le droit, donc, bien entendu, de porter ce genre de choses-là. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Le Cheikh, il dit ensuite: قوله لا يكره التماثيل غير ذي الأرواح لأنه لا يعبد. يعني لا يكره التصاوير غير ذوات الأرواح. كالأشجار والجبال والمباني والمصنوعات والآليات والبحار، لأن المنهي إنما هو تصوير ذوات الأرواح، أما الأشياء التي ليس فيها روح فلا يمنع من تصاويرها أو من تصويرها، كما قال ابن عباس الذي كان يصنع الصور ونهاه عن ذلك وقال له: إن كنت لا بد فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه، أو ما هذا معناه من كلامه صلى الله عليه وسلم. Le Cheikh, il dit donc ensuite la parole des Hanafiya, quand ils disent qu'il n'est pas détesté de porter des images ou des statues ou des choses de qu'est-ce qui n'a pas d'âme, hein, c'est-à-dire des images de choses qui n'ont pas d'âme, comme des arbres, hein, des montagnes, des bâtiments, des choses fabriquées, des instruments, les océans, des choses comme ça, des paysages. Ça, il n'y a pas d'âme, donc ce n'est pas interdit. Les choses qui sont interdites, c'est les choses qui ont des âmes. C'est ça que tu n'as pas le droit, hein, de dessiner ou de représenter et de porter. Donc les choses qui n'ont pas d'âme, il n'y a pas de mal de les dessiner. Comme Abdullah ibn Abbas, il a dit à propos de la personne qui faisait des dessins ou des images, il lui a interdit de faire ça, et il lui a dit: si tu dois absolument faire des dessins ou des images, alors fais des images d'arbres ou des choses qui n'ont pas d'âme. Donc c'est permis de dessiner, par exemple, des dessins de choses abstraites, hein, qu'est-ce qu'ils appellent les koufars, l'art abstrait, ça c'est permis. Ou bien des dessins de paysages, tu vas dessiner le ciel avec la forêt, les arbres, les ruisseaux, les belles fleurs, des choses comme ça, oui, ça c'est permis, mais pas des êtres humains ou des animaux. Donc ça c'est comme c'est mentionné dans la parole du compagnon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Il dit ensuite: wa qawluhu wa qalu aydan in sama yawm ash-shak yanwi annahu min ramadan. Al-maqsud huna anna Allah awjaba alayna sawm ramadan wa 'allaqa as-siyam wal-iftar bir-ru'ya fa qala ash-shahru 29 فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم يعني لم يظهر لكم الهلال بسبب الغيم أو القدر فأكملوا العدة 30 فنحن نصوم بأحد أمرين: إما برؤية الهلال وإما بإكمال شعبان 30 يوما ولا يجوز للإنسان أن يصوم يوم الشك على أنه من رمضان ويقول هذا من باب الاحتياط فقد جاء في الصحيح قول عمار بن ياسر الذي يصوم في يوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم لأن هذا وسيلة إلى الزيادة على ما فرض الله فقد يصوم زيادة على الشهر ويتقدمه بيوم أو يومين ويقول هذا من باب الاحتياط وهذا فيه أيضا تشبه أيضا بأهل الكتاب فإنهم غيروا صيامهم وزادوا فيه وأنقصوا وتلاعبوا فيه فالواجب على هذه الأمة أن تتمسك بدينها وأن لا تزيد في العبادات أو تنقص منها إذا كانت محددة لأن هذا فيه تشريع بما لم يأذن به الله أو ما لم يأذن الله به وفيه تشبه بالذين غيروا دينهم وابتدعوا. Donc le cheikh il dit que les Hanafiya ils ont dit également que on doit pas jeûner le jour du doute de Ramadan en ayant l'intention de jeûner ce jour-là comme étant un jour du Ramadan. Qu'est-ce qu'il veut dire le cheikh? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a rendu obligatoire le fait de jeûner le jeûne du Ramadan et il a rattacher l'obligation du jeûne et l'obligation de cesser de jeûner à la vue du hilal, la vue du croissant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mois peut être 29 jours. Hein? Alors ne jeûnez pas jusqu'à ce que vous l'ayez vu. Hein? Le mois est de 29 jours. Alors ne jeûnez pas jusqu'à ce que vous l'ayez vu, c'est-à-dire le croissant de lune. Si vous ne pouvez pas le voir à cause des nuages et qu'il n'est pas visible pour vous, on ne voit pas le hilal à cause des nuages ou à cause de la brume ou des choses comme ça, à cause de la poussière ou des choses comme ça, alors dans ce cas-là, complétez le mois 30, comme s'il y avait 30 jours. Et donc, on est ordonné de jeûner, soit par le fait de commencer le jeûne par rapport à la vue du hilal, et si on ne le voit pas, parce que c'est pas possible, alors on fait 30 jours, on fait le mois comme s'il avait 30 jours, on complète le mois comme étant 30 jours. Il n'est pas permis à quelqu'un de jeûner le jour du doute, comme étant un jour du Ramadan en disant je vais faire ça pour être certain, hein, l'ihtiyat, comme si pour être sûr que je me trompe pas. Non, t'as pas le droit de faire ça. Et il est rapporté dans le hadith authentique de la parole de Ammar ibn Yasir que celui qui jeûne le jour dans lequel on doute, il a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abul Qasim. Abul Qasim, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est sa kunya. D'accord? Donc si vous voyez Abul Qasim, vous savez que c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le fait de jeûner le jour du doute, c'est comme si tu rajoutais à ce que Allah a ordonné. Et, yani, c'est pas permis de rajouter au moins. De précéder le mois du Ramadan par un ou deux jours et de dire je fais ça pour être sûr. Non. Il dit, il y a également dans ça une ressemblance aux juifs et aux chrétiens qui ont changé leur jeûne et qui ont augmenté ou diminué leur jeûne et ils jouent avec. Et l'obligation pour la Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est de s'accrocher donc à sa religion et de ne pas ajouter ou diminuer dans les adorations lorsqu'elles sont déjà fixé et déterminé. Et il y a dans ça donc il dit pourquoi? Parce que ça c'est quelque chose qui a été légiféré par Allah et si tu rajoutes ou tu enlèves, c'est comme si tu légifères à la place d'Allah ce que Allah n'a pas permis. Et il y a également dans ça une imitation de ceux qui ont changé leur religion et qui ont innové dans leur religion, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Quoi d'autre encore? Le cheikh il dit وَقَوْلُهُ قَالُ فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسِ أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ مَعَهُ أَنَّ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَ فِي النَّهَارِ فَإِنَّهُ يَسْتَمِرُّ بِالْوُقُوفِ إِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسِ. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بقي فيها إلى أن غربت الشمس واستحكم غروبها ثم انصرف من عرفة إلى مزدلفة مخالفا بذلك انصراف المشركين فإنهم كانوا ينصرفون قبل المغرب. Donc le cheikh il dit, lorsque le soleil il s'est couché, lorsque les musulmans sont à Arafah dans le Hajj, et qu'ils sont à Arafah et que le soleil se couche, alors ils déferlent vers Muzdalifa. Hein? Donc le jour de Arafah, les musulmans ils restent à Arafah jusqu'au coucher de soleil. Ils font des doigts, ils font des adorations. Hein? Et pendant ce temps-là, tous les musulmans dans le monde, ils jeûnent le jour de Arafah. C'est un jour dans lequel il y a beaucoup de mérite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il restait donc à Arafah jusqu'au coucher de soleil, puis après il déferlait vers Muzdalifa après le coucher de soleil, et il a fait ça pour contredire les mushrikines, parce que les mushrikines eux, ils partaient de Muzdalifa avant le Maghrib. Donc pour contredire les mushrikines, hein, il déferlait après le Maghrib. Il dit وقوله قالوا ولا يجوز الأكل والشرب والدهان في آنية الذهب وهذا أيضا مخالفة لأهل الكتاب فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وعن الأكل في صحافهما أو في صحافها وقال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فدل على أن استعمال الأواني أواني الذهب والفضة من صفات الكفار ونحن منهيون عن التشبه بهم ولا يقتصر هذا على الأكل والشرب بل على سائر وجوه الاستعمال ما دمت العلة منع مشابهة المشركين وإنما ذكر الأكل والشرب لأنهما غالب وجوه الانتفاع. Donc le cheikh il dit également, il mentionne que il n'est pas permis, c'est-à-dire les hanafiyya, les fuqaha du madhhab al-hanafi, ils disent qu'il n'est pas permis de manger, de boire ou d'utiliser des contenants en or et en argent. Et une des raisons pourquoi c'est interdit, parce que c'est une imitation des kuffars, et en particulier aussi des gens du livre, parce que eux ils mangent dans des assiettes en or et en argent parfois, surtout les gens de l'extravagance, hein, les gens qui aiment l'extravagance et l'exagération. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de manger, de boire dans les assiettes ou dans les contenants d'or et d'argent. Et il a dit, parce que c'est pour eux dans la dunya et pour vous dans l'au-delà. Donc c'est pour les musulmans dans la dunya et pour les kuffars dans la dunya et pour les musulmans dans l'au-delà. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Hudhayfa. Il a dit qu'il y a une preuve ici que l'utilisation des contenants en or et en argent, ça fait partie des caractéristiques des kuffars, et nous on est interdit de les imiter. Et ça, c'est pas spécifique juste à manger et à boire. Toute autre utilisation des contenants en or et en argent, c'est interdit. Je sais pas qui est-ce qui disait ça l'autre jour. Il y a quelqu'un qui mentionnait que, je sais pas qui, mais il y avait quelqu'un qui avait une toilette en argent, en or massif. Un bol de toilette en or massif. Vous avez pas entendu ça? En tout cas, il y a quelqu'un qui a un bol de toilette en or massif. Je ne sais pas si c'était dans un musée ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est pour dire, yani, les koufars, il n'y a rien qui les arrête. Il faut même des bols de toilette en or massif. Et ça, bien entendu, c'est aussi interdit, puisque d'utiliser l'or et l'argent comme des utilisations comme ça, des verres, des contenants, des assiettes, hein, et bien c'est interdit. Je ne veux même pas imaginer combien cette toilette coûte. elle coûte 2,3 millions de dollars. Encastrée de diamants en plus. Ala kulli hal, comme on dit en arabe, on va s'arrêter ici. Il dit le cheikh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné le fait de manger et de boire parce que c'est la plupart des, c'est en général comme ça qu'on les utilise, mais c'est pas seulement ces utilisations là qui sont interdites, c'est toute autre utilisation, d'accord. Ben en fait l'or et l'argent doit être utilisé pour ça doit être utilisé soit pour comme des bijoux pour les femmes, ou bien pour utiliser comme monnaie, hein, comme argent, mais pas pour faire des décorations, des parures dans les cuisines, comme des verres ou des assiettes ou des choses comme ça. Non, pour manger et boire ou faire des cuillères et des fourchettes. Il y a des gens qui ont toutes des services de cuisine là, les couteaux, les cuillères, les fourchettes, les bols, les verres, les coupes, les théières. Bon, si c'est doré, ça va. Si c'est couleur d'or, c'est la couleur d'or, mais c'est pas vraiment de l'or. Si c'est en couleur dorée, c'est pas grave. C'est ça. Si c'est pas de l'or, c'est pas grave. Si ça a juste la couleur de l'or, c'est pas grave. Mais si c'est de vrai or, là, c'est interdit. طيب on s'arrête ici pour aujourd'hui, inshallah on continuera le prochain cours inshallah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.